reste le même, toi, garçons et filles, les parents, le chien et le chat. Et pourtant, on n'est pas toujours, toujours d'accord. On crie même un peu trop fort. Mais que brusquement arrive un embêtement, ben nous voilà unis comme avant. La vie de famille, comme on est bien sous le même toit. Garçons et filles, les parents, le chien et le chat. Les soirs de pluie, on fait une petite belote. Tous près du feu, bah, quand il fait froid dehors. Et les perdants font grossir la cagnotte jusqu'au jour où l'on compte le trésor. Alors là, pour le dépenser, on discute encore. L'un veut le Mont Blanc, l'autre la mer, autre époque. Mais voilà que le petit frère attrape les oreillons. Et tous ensemble, on reste à la maison. La vie de famille, comme on est bien sous le même toit. Garçons et filles, les parents, le chien et le chat. Dès le matin, on s'en va dans toutes les directions, vers l'étoile ou la nation. Mais le soir en courant, là, y a pas d'hésitation. Tous direction la maison. La vie, comme on est bien sous le même toit. Garçons et filles, les parents, le chien et le chat. Y a des moments qui deviennent historiques. Doit-on acheter une télévision? Ou alors une de ces machines automatiques qui lave le linge et épluche les oignons? Y'a tous les rires et les joies en commun. La fête des mères, l'augmentation de papa. Tout le monde s'embrasse et l'on trouve soudain une bonne bouteille, des gâteaux, du lilas. La famille, comme on est bien sous le même toit. Garçons et filles, les parents, le chien et le chat. Le dimanche, attablé devant un bon menu, tous ensemble, pour déjeuner, je regarde autour de moi et je suis un peu émue. Je sais pas comment l'expliquer. Les regards brillent, comme si on se parlait avec le cœur. Oh, la vie de famille. Pour nous, c'est le vrai bonheur. Arc-en-ciel. Magique dans le folklore, t'es de modeste.

Thank you. te Roma, chobi chobi, chobi Roma, Samaria te Roma, chobi chobi, chobi Roma, Samaria te Roma. Samson et puis juste après Marie Myriam. Ce matin j'ai vu tomber la colombe dont le plumage était de rouge taché. Elle avait survolé Lisbonne dans le grand soleil et pourtant un coup de feu c'est qui résonne. Colombe s'est cachée, et ce n'est que du bout des lèvres que j'ai pu la consoler. Où voulez-vous qu'elle se pose? Le monde n'est plus accueillant. Déçu 100%, il y a des moustiques dans la savane, des animaux bien plus méchants, les épices et les bananes, c'est mauvais pour la digestion. N'allez jamais à La Havane où la chaleur pousse à ébullition, car ces pays sous les tropiques ne sont pas tous des paradis. Les jolies filles exotiques semblent desséchées par l'ennui, tannées, ternies, même jaunies. N'allez jamais à La Havane, perdriez vos illusions. La chaleur surchauffe les crânes et donne des insolations. Si c'est pour faire de la boucane avec des cigares, premier choix. Pourquoi partir à La Havane, hein? Il y en a plein nos bureaux de tabac. Mesdemoiselles, je vous jure que les Tarzans encore musclés sont si fatigués de nature qu'ils somnolent des jours entiers, vidés, crevés, beurre à tatiner. N'allez jamais à La Havane, vous perdriez vos illusions, car vous n'auriez à La Havane tout au plus qu'une jolie révolution. Si c'est pour y trouver de nouvelles caresses, dire si, si, si, au lieu de oui, les taxis vous conduiront à la bonne adresse, à prix modique, en plein Paris. N'allez jamais à La... Mais quelle Havane, mais fichez-moi la paix avec La Havane, mais me foutre la cabesse à ton accord, La Havane, et La Havane, gna, gna, gna, gna, gna, gna. Mais quelle Havane, le soleil de La Havane, les bananes de La Havane, allez. Mais le soleil, ça te fiche les insolations, t'as les bananes, ça te fiche les indigestions, t'as les moustiques, ça te fiche la malaria, t'as les signoritas, ça te fiche la... Non, non, non, non, les señoritas, c'est des señoritas, quoi. Enfin, si c'est les señoritas que tu préfères, c'est pas la peine d'aller courir à La Havane. Tu prends un taxi, à qui te va à la Puerta del Sol, à la Cabala Cubana, les señoritas, t'as que des ça. N'allez jamais à La Havane, vous perdriez vos illusions. N'allez jamais à La Havane. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. C'est très surfait, très surfait. C'est très surfait, très surfait.

milieu d'un chagrin. Comme une île déserte, pour un perdu en mer. En duo, et puis juste après lui, ça sera tout simplement Hervé Villard. À toutes les filles que j'ai aimées avant, qui sont devenues femmes maintenant. Que j'ai aimé avant, qui sont devenues femmes maintenant. De leurs éclats de rire à nos nuits de plaisir, je suis resté adolescent. À toutes les filles que j'ai aimées avant. Au secret murmuré, au pas.

des arbres, des oiseaux, nous resterons ensemble. Tant qu'il y aura de l'amour, tout comme au premier jour, nous aimerons ensemble. Puisque tu me ressembles, puisque je te ressemble, puisque nos corps s'assemblent, que l'amour est étrange, comme la bougie s'affole et qu'elle caracole et qu'elle perd la boussole sur nos monts ébalés. Tant qu'il y aura des chevaux, des arbres, des oiseaux, nous resterons ensemble. Forestier, puis juste après une nouveauté avec Sandy. Qu'est-ce qu'il a frappé la petite hirondelle? On l'a ramassée sans papier et sans aile. Ce qu'elle a quitté, pleurer pour elle, elle va plus chanter. Sur la terre ni au ciel, bien sûr les frondes, les nuits sans abri. Autour du monde, c'est pas le paradis. Mais s'envoler, s'envoler dès qu'on a les pieds sur terre, qu'on n'a rien découvert. S'embarquer, tout quitter dès qu'un bateau prend la mer. S'en aller même si c'est pour l'enfer. La vie des oiseaux sauvages et prendre à Paris le bonheur, la cage.

Voici donc Céline Dion, tout simplement, et puis juste après, on goûtera Natacha Saint-Pierre. C'est pour vivre que le monde chante dans la douleur. Tes louanges, voilà mon seul plaisir, en la vallée des pleurs.

Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Arc-en-Ciel. Sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. You're the one to move me, together all alone. I'll never dream. Smoke and mirrors keep us waiting on a miracle. On a miracle. Compter les étoiles.

un tout plus beau monument. Ton regard doux comme un secret, tes caresses aux limites de l'indécent. Tu comprends tous mes silences, chacun de mes petits moments d'absence. Si je vais au paradis, je suis pas sûre de voir la différence. Moi, je me dis que c'est toi, je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Et je me dis que c'est toi. Je sais que tu y crois. Tu es celui qui rythme mes bonheurs, qui rythme mes humeurs, juste comme ça. Je me dis que c'est toi. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voici donc les émissions pour ce soir ainsi que pour demain, déjà mercredi. Voilà donc, en soirée, à partir de 19h jusqu'à 21h avec Christophe pour l'émission électrique Choc. Et puis juste après, un autre Christophe à partir de 21h jusqu'à 23h avec les Trop Live. Et puis dans la matinée demain avec Victor, entre 9h jusqu'à midi, et puis dans l'après-midi à partir de 14h, 16h, Gloria, et puis à partir de 16h, 18h, ils sont deux, avec Mathis et Lola. Et puis vous allez retrouver Violette à partir de 18h jusqu'à 19h30. Voici donc que je vous laisse avec Angèle et puis juste après elle écoutera Jean-Pierre François. Arc-en-ciel. Voici du disco. Génération disco. Yeah. born to be alive. Après, on écoutera tout simplement Angela. Je t'aime, ni être celle qui pardonne.

you when you're down. It's a fool's game. Nothing but a fool's game. Standing in the cold rain. Voici donc, eh bien, Bonnie Tyler. Oh, it's a heartache. Nothing but a heartache. Love until your arms break. Then he'll let you down. It ain't right with love to share when you find he doesn't care for you. Cette chanson qu'on va se quitter bientôt 17h, voilà donc, et bien l'émission touche sa fin. Voilà donc, et bien j'espère que vous avez passé bon après-midi, qu'on va se retrouver donc, et bien la semaine prochaine. Voilà donc, on se retrouve aussi vendredi, toujours à la même heure. Voilà donc, et bien je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Bisous. Parfois il jouait, surtout ne va jamais chez lui, on sait jamais, je suis pas sûre qu'il soit gentil. Moi je m'en foutais, hey, hey, hey, hey. Je voulais entendre ses mélodies. Je l'écoutais jouer en cachette toutes les nuits. Il jouait du blues, du bon gros rockabilly. Prise en flagrant délit. Gueule de loupard, vraiment il faisait peur à voir. Ma mère me disait surtout ne va jamais chez lui, on sait jamais, je suis pas sûre qu'il soit gentil. M'a emmené chez lui, oui, oui, oui, poser mes doigts sur son piano. Depuis je suis accro, j'y retourne toutes les nuits.

Olhamos agora para as notícias que estão a marcar esta terça-feira, Miguel Soares. As Nações Unidas exigem um inquérito internacional sobre as valas comuns encontradas nos dois maiores hospitais da faixa de Gaza. Portugal tem 20 casos confirmados de sarampo, adianta a Diretora-Geral da Saúde. O autarca de Santa Combadão lamenta que Bordal II tenha escolhido o cemitério para fazer uma instalação artística, um medicamento antifascista posto sobre a campa de Salazar. A esta hora estão 19 graus no Porto e em Ponta Delgada, 22 em Faro, 23 em Lisboa e também no Funchal. Edição das 4 com Miguel Soares. A ONU defende um inquérito internacional às valas comuns descobertas nos dois maiores hospitais da faixa de Gaza. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos diz-se horrorizado com a destruição dos mais importantes hospitais do território. Volker Türk pede em comunicado inquéritos independentes, eficazes e transparentes face ao que considera ser um clima de impunidade. Para o alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, matar civis de forma intencional é